Monsieur le Président, messieurs les orateurs dont l'état de glissement est plus nourri par l'auditoire, je vous salue plus directement que je peux le faire moi-même, pour ce passage à cette tribune, membre du PUN, et bonne nouvelle, messieurs. L'Assemblée de ce dimanche 4 mai 1980 ne figure pas à notre calendrier d'invités. Mais si nous avons décidé de vous y inviter, parce que nous considérons que l'enjeu de ce référendum, qui fut marqué un tournant tragique pour notre histoire, n'est pas de plus grande importance des factions politiques et leurs chefs qui s'affrontent. Car quand tous ces partis politiques, ainsi que leurs dirigeants, seront disparus, engloutis dans la poubelle du temps, l'histoire continuera de se vivre et de s'écrire, et elle devra l'être selon l'itinéraire suivi par nos ancêtres qu'ils ont tracé pour nous, c'est-à-dire l'amour et le respect de Dieu, la Trinitas, qui règle aucun des partis politiques existants sur le plan électoral est en mesure de suivre. Ce furent pourtant les grands principes qui inspirèrent nos pères, qui les guidèrent au début de la colonie et leur permirent de bâtir notre grand pays qui s'étend de l'Atlantique jusqu'en Colombie. Dans cet affrontement référendaire et fratricide, nous ne sommes affiliés à aucune de ces quatre politiques qui seront à la déclaration. Si nous avons décidé de participer au conflit actuel, c'est parce que nous sommes animés d'une inébranlable foi en Dieu, d'un profond amour du Canada, des sentiments ardents de patriotisme et de nationalisme, d'un respect sacré pour nos traditions chrétiennes, qui dans le feu des luttes épiques et les sangs de nos héros, nos martyrs, ont forgé notre histoire glorieuse, d'une loyauté indéfectible envers la cause de la civilisation chrétienne occidentale sur cette terre canadienne et pour le progrès et le bonheur d'un plus grand Canada. Voilà les seules et vraies raisons qui nous ont motivés à entrer dans la vie. Devrait-on dire oui à une équipe qui souffre de démence suicidaire et lui confier le mandat de Mostalite de dépêcher notre Canada, ou devrait-on lui répondre non? Nous ne voulons pas que les quatre siècles de notre glorieuse histoire soient supprimés selon les désirs et les caprices de quelques politiciens ministres. Vouloir rédiger un État sur la seule province de Québec est de la fiction, tandis que le Canada est une réalité. Le climat d'incertitude et de confusion dans lequel le Parti québécois a plongé la province de Québec, depuis que lieu le débat est télévisé sur la question référendaire qui, finalement, fut adoptée après un chamaillis du gérant Saint-Hubert, nous fait rétrograder depuis de vieux siècles. Si en 1760, il existait une animosité profonde et compréhensible entre les deux groupes ethniques, anglais et français, après que ceux-ci soient affrontés dans des combats sanglants, et si plus tard, après le traité de Paris, devinrent les co-fondateurs de notre beau pays, le Canada, aujourd'hui en 1980, la brisure se fait au sein même de notre peuple. L'enjeu de cette consultation populaire n'est pas de beaucoup d'importance, c'est une simple campagne électorale. Quel qu'en soit le verdict, l'affrontement qui aura lieu entre les vrais Canadiens d'une part et ces masochistes qui sont jurés la destruction de notre beau pays d'autre part, au cours duquel l'enjeu verbal des marxistes socialistes piqués qui dirigent ce parti de suborneurs incitera inévitablement à la violence sanglante et les blessures profondes qui en résulteront ne pourront se cicatriser avant plusieurs décennies. Quelque inquiétant que ce conflit puisse tenir, nous devons tout de même nous rendre à l'évidence que depuis le 20 mars 1980, les hostilités référendaires, prélude d'une lutte fratricide, sont officiellement ouvertes. L'endroit de cette déclaration de guerre fut le salon de classe. Cette chambre législative fut dans le passé témoin de dépôts oratoires historiques, où les représentants élus de notre peuple, en des pièces d'une rhétorique jamais égalé dans cette enceinte, affirmait leur conviction profonde, défendait avec succès et honneur notre foi, notre langue, nos droits, et tenait en échec ceux qui tentaient de nous assimiler, de nous faire disparaître. Je me vois ici d'ouvrir une parenthèse. Ces tentatives faites par les vainqueurs des plaines d'Abraham n'étaient pas d'une particularité des anglo-saxons, puisque cette même loi du plus fort fut appliquée pour nos ancêtres blancs envers les autochtones du Canada, tout comme ils le firent dans les autres endroits de la planète où, après conquête, ils étendirent leur régime demi-culturel français et catholique. Il en fut ainsi pour les autres conquérants venus de la péninsule ibérique, dont les Antilles, l'Amérique centrale ainsi que l'Amérique du Sud sont les preuves vivantes et indéniables du passage des Espagnols et des Portugais qui imposèrent leurs cultures respectives. Ce fut donc en affirmant inéluctablement sa volonté et sa détermination de rester fidèle à sa langue, à sa foi, à ses traditions, en affichant sans embarras et avec fierté son amour et son attachement indéfectible pour cette terre canadienne qu'il a arrosée de ses sueurs et de son sang, pour avoir prouvé les armes à la main, sa préférence de demeurer canadien, quand à deux reprises il contribua héroïquement à repousser l'invasion américaine, notre peuple se mérita le respect du vainqueur de 1760. L'acte de Québec de 1774 fut le premier geste concret qui marqua le véritable début de l'élément épatrion de notre peuple. En plus de reconnaître le fait épiscopal existant, de réaffirmer la liberté du culte et la libre exercice de la religion, le droit de percevoir la dîme, de supprimer le serment du texte, du rétablissement du droit civil français et du maintien du droit criminel anglais, l'acte de Québec a repoussé les frontières de la province de Québec à un point qui en a presque triplé sa superficie existante. En 1792, le Canada se donna sa première constitution, proclamée en 1791. Cette constitution, qui divisait le territoire en le Bas et le Haut-Canada, maintenait les garanties accordées par l'acte de Québec et accordait pour chaque partie l'organisation d'un conseil législatif et d'une chambre d'assemblée, c'est-à-dire élective. Ce dernier point était d'une grande importance, car la nouvelle constitution accordait le peuple au gouvernement dans lequel il put manifester ses opinions par la voix de ses représentants. Après avoir obtenu de gauche sa première constitution, les Canadiens français s'engagèrent dans de grandes luttes parlementaires. Les questions primordiales qui étaient discutées portaient sur l'éducation, les subsides, la responsabilité ministérielle, la mobilité des juges, ainsi que les biens des jésuites, dont le pape Clément XIV avait supprimé l'ordre le 8 juin 1761. Il y avait aussi, bien entendu, les dénonciations de l'agiotage et du népotisme qui existaient depuis la création de la nouvelle constitution, qui se passait au sein du conseil exécutif, dont les conseillers étaient nommés à vie et qui n'étaient responsables qu'au souverain. Cette situation confuse et controversée donna pied à certains éléments de notre élite du temps, qui avaient fait quelques stages aux écoles révolutionnaires françaises, qui en étaient revenus au Canada, imbus des principes judéo-maçonniques qui avaient plongé la France dans cet enfer de feu et de sang lors de la Révolution française de 1780. Cela devait inévitablement aboutir au soulèvement des 1837-38, dont les conséquences furent un durcissement de la force régnante de Londres envers les Canadiens d'alors. L'Angleterre décréta la réunion du Bas et du Haut-Canada. La langue française fut officiellement abolie. Tout ceci était fait dans le seul but d'assimiler les Canadiens du temps. Soit dit en passant, il ne faut pas oublier que seuls étaient désignés comme Canadiens ceux qui étaient d'origine française. Et aussi, afin de prévenir toute nouvelle tentative de rébellion. Bientôt remis de cette terreur, et afin de surmonter et de contrecarrer cet ostracisme, nos pères reprirent, avec plus de conviction de force que jamais, les luttes constitutionnelles, ce qui amena Lord Elgin à rétablir la responsabilité ministérielle ainsi que la langue française comme langue officielle en 1849. L'abolition de ces restrictions promulguées après les crimes de 1837-38 transforma le pays et permit aux Canadiens d'exercer leur part d'influence dans les affaires du Canada. La cause de ce succès, comme le spécifie M. Magnan, professeur à l'École normale Laval vers la fin du 19e siècle, est due à la solidarité de la francophonie canadienne, qui à cette époque n'était pas encore divisée par de multiples coteries politiques. Donc, l'acte de Québec, édicté en 1774, que nos pères ainsi que notre clergé du temps surent se prévaloir et, avec prudence, en bénéficier, la première constitution proclamée en 1791, ainsi que l'acte d'union de 1840, qui, malgré la rigueur des cadres dans lesquels il vit le jour et qui amorça le commencement d'une politique plus libérale de la part de Londres, jouèrent un rôle prépondérant dans le développement si rapide du Canada, que bientôt la constitution existante ne répondait plus à ses besoins. et devaient normalement conduire au pacte de 1867. Afin d'apporter un éclairage plus précis et très différent de tout ce qui fut jusqu'ici à date donnée sur la crise constitutionnelle canadienne, crise que les péquistes, ces paladins de l'hypocrisie du mensonge exploitent honteusement, nous avons eu Courbon, pour le bénéfice de tous les Canadiens intéressés et impliqués dans le présent débat référendaire, de citer quelques extraits tirés d'un document que nous avons publié en 1970. Et voici. La Constitution de 1867 du Canada, votée par le Parlement de Londres, fut le fruit de longues délibérations entre les légistes et les patriotes les plus sages du Canada anglais et du Canada français. Cette Constitution était marquée au coin de la sagesse et du patriotisme, du respect mutuel, de la bonne entente. Elle permettait aux Canadiens français de faire tout ce qu'ils voulaient dans la province, leur assurant leur suprématie sur la législature. Dès 1842, le Canada devenait un État fédératif de fait, sinon de droit. Avait un double ministère, deux procureurs généraux, deux commissaires d'État, une double députation et un double parlement dans une même chambre, et on appliqua le principe de la double majorité. Nous avons fait une union fédérale, disait déjà en 1865 à Québec John Maynard, puisque cette époque, même si les noms de Québec et Ontario n'y étaient pas, il y détectait de telles réalités sociologiques appelées le Bas et le Haut-Canada. L'acte constitutionnel a changé les noms, mais n'a pas changé les choses. Il a institutionnalisé une réalité politique et sociale. D'ailleurs, il est admis que lors des libérations, soit à Québec, soit à Londres, le Bas-Canada et le Haut-Canada furent traités comme deux partis distincts, chacun ayant un statut particulier et un vote distinct. Il est aussi pour que c'est l'insistance du Bas-Canada, c'est-à-dire cette partie française, en tant que telle, qui a fait triompher le pacte fédératif, et c'est à la condition expresse de pouvoir survivre comme groupe national distinct que le Bas-Canada a accepté de s'unir avec les autres provinces. C'est Lord Carnarvon qui l'affirme, en disant « Le Bas-Canada est attaché à ses institutions particulières et n'entrera dans l'Union qu'avec la terre entente qui les conservera. C'est avec ses sentiments et à ses conditions que le Bas-Canada pense maintenant entrer dans la Confédération. » C'est idée des Parliamentary Debates de 1837, page 562. Le pacte de 1837 est, en quelque sorte, la victoire, mais il y a moins, la revanche de la défaite subie 107 ans plus tôt que les plaines de Varennes. Tout ce que nous avions perdu en 1763, lors du traité de Paris, nous l'avons reconquis en 1867. Il faut se rappeler que vers cette époque, il n'y avait presque pas de Canadiens français à l'extérieur de la province de Québec. Quatre provinces qui réalisaient le pacte constitutionnel, soit Québec, Ontario, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, comme des compagnies créant une société de gestion destinée à administrer certaines affaires communes dont la centralisation doit être avantageuse et comporte de la part des contractants l'aliénation de certains pouvoirs en faveur de la nouvelle compagnie. Cette nouvelle compagnie, qui portera le nom de Dominion, ne participe pas au contrôle de la société qui l'a créée de toutes pièces. Une fois qu'elle est mise au monde et qu'elle commence à fonctionner, l'exercice par elle de ses prérogatives constitue une acceptation des pouvoirs aliénés dans la donation et même dans la vie qui lui a été donnée et telle qui lui a été donnée. Puisque les provinces étaient des colonies anglaises, il était tout à fait normal que ce pacte soit soumis à l'approbation, à la sanction du Parlement impérial de Londres. Donc, historiquement, l'acte de l'Amérique britannique du Nord n'est pas seulement une loi votée par le Parlement de Londres, n'était pas une loi anglaise, un pacte élaboré au Canada. De voir que l'aspect juridique de cette réalité, c'est ni plus ni moins fausser le sens même du pacte confédératif, qui n'est pas seulement un acte juridique et légal, ce qui explique le pourquoi que l'acte d'Amérique britannique du Nord est encore au Parlement de Londres sous forme de loi. Aussi est-il illogique d'en exiger le rapatriement, puisqu'il ne fut jamais expatrié. Mais cela n'allait pas pour autant au pacte confédératif son authenticité canadienne. Toute théorie exclusivement juridique du fédéralisme ne peut être qu'incomplète. Il faut y ajouter le point de vue sociologique, politique et humain. Nous vous citons de Gonzague de Reynolds cet extrait tiré de son livre. conscience de la Suisse et vers l'Europe. Le fédéralisme est une forme de politique en laquelle plusieurs petits États ou cités, afin de mieux défendre leurs intérêts communs, consentent à sacrifier une part de leur souveraineté pour établir un pouvoir central, dirigeant et suprême. C'est aux États confédérés que le pouvoir doit son impuissance légale. Il y a donc dans le fédéralisme deux éléments constitutifs. Les États qui se fédèrent, le pouvoir central qu'ils établissent. Mais ces éléments ne sont pas égaux, ni en âge, ni en valeur, ni en droit. Ils ne se font point vis-à-vis, mais celui-ci est subordonné à celui-là. Le premier, les États, forment l'élément constituant. Le second, le pouvoir central, forme l'élément constituant. Le second élément, n'est qu'une émanation du premier. Celui-ci peut le modifier en tout temps par un nouvel accord entre ses membres. Le premier élément, les États ayant une existence antérieure au second, c'est-à-dire le pouvoir central, a donc des droits supérieurs aux droits de celui-ci. Pourquoi les États se sont-ils scellés? Pour conserver leur autonomie, leur personnalité, non pour les sacrifier au pouvoir central. Défendre, sauvegarder, illustrer l'autonomie de chaque État. Telle est la mission du pouvoir central. Telle est sa raison d'être. S'il trahit sa mission, il perd sa raison d'être. Il sort de sa légalité. Le même auteur ajoute. Lorsque le pouvoir central se substitue au gouvernement intérieur de chaque État confédéré, il y a usurpation de sa part. Le pouvoir central n'est qu'un pouvoir légal. En revanche, les États représentent ce pouvoir légitime. Or, la légalité, c'est-à-dire la conformité de la loi écrite, est inférieure à la légitimité, c'est-à-dire à ce qui est fondé de droit, en vertu non d'une loi écrite, mais d'un principe antérieur à cette loi. La légalité du pouvoir central lui est conférée par les États, dont il n'est que l'émanation, l'existence antérieure, la formation historique, la personnalité de ces États leur confère, en revanche, la légitimité. Elles sont la source de la souveraineté. Donc, le gouvernement fédéral est l'enfant des peuples. Il n'en est pas le père, et ses droits, pouvoirs et prérogatives sont bien délimités à l'intérieur du pacte confédéral. La tension et le malaise très grave qui présentement existent au Canada sont dus dans un premier temps à l'empiètement du fédéral dans les traitements provinciales. Des hold-up de centaines de millions de dollars que le gouvernement fédéral exécute régulièrement depuis plusieurs années. Et soit en passant à la pointe du midi, car ceux-ci débutèrent au cours des dernières grandes guerres mondiales de 1948 et 1945, et entre parenthèses, peut-on dire, abominable tuerie organisée afin de sauver la sacro-sainte démocratie issue de la révolution pédionastique maçonnique de 1789. Fin de la parenthèse. Dans les champs de taxation exclusivement réservés aux provinces, permettent à celui-ci de s'immiscer dans les domaines de l'éducation et du social. Mais comme pour les crimes bien organisés, il va y avoir une complicité à l'intérieur pour en assurer le succès. Il en fut ainsi pour les crimes organisés contre les provinces, car les violations constitutionnelles ne peuvent être réussies qu'avec la trahison des gouvernements provinciaux, sur qui retombe la quasi entière responsabilité. En étudiant à fond l'acte de l'Amérique britannique du Nord, et en compilant tous les avantages dont auraient pu bénéficier les deux peuples fondateurs, si l'esprit et la lettre du dit pacte avaient inspiré nos législateurs et avaient été respectés aux deux paliers du gouvernement, il y a lieu de croire que cela aurait amené les fils de la fière Albion et les descendants des croisés de France à fraterniser entre eux, à susciter chez ces deux peuples une étroite collaboration, d'égal à égal, principe de base indispensable à la réalisation de la véritable unité nationale pour le progrès et le bonheur d'un plus grand Canada. Mais à regarder le climat politico-social très tendu qui existe présentement au pays, reste conséquent de l'ineptie de ceux qui furent tout simon de la barque canadienne, tant sur le plan provincial que national, on comprend assez bien pourquoi certains éléments délétères désirent la rédaction d'une nouvelle constitution. Nous ne faisons pas allusion à tous ces perroquets qui, sans avoir eu le pacte confédéré, exige à corps et à cri le recueil de celui-ci. Voulons dire tous ceux qui, soit par intérêt personnel ou sectaire, voudraient le saborder. Parmi ceux-ci se trouve un grand nombre de politiques ailleurs qui sont prêts à faire à l'acte de Marie-Britannique du Nord des funérailles de grande classe, espérant du même coup pouvoir enterrer à jamais toutes les violations, les trahisons, les turpitudes, dont eux et leur parti se sont rendus coupables depuis plusieurs décennies, envers le pacte confédératif et les nations chrétiennes. Il y a aussi d'autres groupes formés d'agnostiques, d'antichrétiens, de marxistes, qui tentent depuis plusieurs années déjà, mais sans succès, à en faire une constitution neutre, en faisant sauter l'article 93 qui consacre le caractère chrétien dans leurs confessionnalités respectives, les deux peuples fondateurs du Canada, ainsi que le pacte confédératif. Ces mêmes groupes n'ayant pas réussi à dénationaliser, à internationaliser, à déchristianiser, marxiser le pacte de 1867, veulent qu'il soit traité aux orties et exigent la rédaction d'une nouvelle constitution qui en sera une à leur image. Aussi est-il primordial, afin de museler ces dénigreurs, de faire taire ces saboteurs et afin de rétablir un climat politique et social plus serein dans notre pays que nous aimons autant par les sacrifices héroïques indescriptibles pour lesquels nos ancêtres n'hésitèrent pas à y mettre le prix, que par les avantages physiques et matériels innombrables dont nous bénéficions, que le gouvernement central se retire des plates-bandes provinciales, qu'il a inconstitutionnellement piétiné, qu'il redresse les clôtures, qu'il a bulldozé et qu'il s'en tienne à jouer pleinement son rôle de gouvernement national en suivant les voies que les pères de la Confédération ont soigneusement brisées à son attention. La récupération des droits constitutionnels et la réintégration sans quémandage et d'autorité de droit de tous les champs de taxation par les provinces, tels que spécifiés par le pacte confédératif, permettra à celle-ci de faire de la politique à plein temps et plein rendement sans avoir à s'appuyer sur les béquilles de la péréquation. Si, en définitive, après avoir tout essayé, la rédaction d'une nouvelle constitution s'avérait nécessaire, les partis de l'Unité nationale du Canada, selon les vœux de l'immense majorité chrétienne de notre pays, exigera que cette constitution soit indigène et locale, réaffirmera, reconsidérera le caractère chrétien de notre nation anglo-française et reconnaîtra l'anglais et le français comme seule langue officielle à travers tout le pays. Sur ce point, nous n'admettrons aucune concession, aucune contrainte, aucune abdication, laissant aux non-chrétiens tous les droits privés imaginables, mais aucun droit officiel. Créer de nouvelles minorités linguistiques et religieuses serait créer de nouvelles causes de conflit. Les lois d'une société, d'un État, exigent pour fondement les grands principes rappelés et donnés par le Christ. Malheur aux nations qui ne rendent pas un culte public au Créateur. Dire que Jésus-Christ est le Dieu des individus et des familles, il n'est pas le Dieu des nations et des sociétés, c'est affirmer qu'il n'est pas Dieu. Dire que le christianisme est la loi de l'homme individuel et n'est pas la loi de l'homme collectif, c'est dire que le christianisme n'est pas divin. Ceux qui exigent la part de l'État et le type de neutralité sont des menteurs, car le type de neutralité n'existe pas. On est avec Dieu ou on est contre Dieu. Maintenant, parlons un peu du livre blanc et de la question référendaire. Dans quelques semaines, donc, l'électorat de la province de Québec, composé d'environ 75% de Canadiens français, aura à décider de la conservation intégrale de notre Canada. Héritage inestimable, légué par nos ancêtres au prix de sacrifices sublimes ou de son morcellement qui, dans un avenir rapproché, aurait comme conséquence inévitable sa disparition comme entité géographique et politique, ainsi que celle de son ethnie canadienne française. Un souverainiste associationniste, il peut se défendre bien mal devant ses évidences de plus en plus réalité par le peuple. Il voit accomplir des pirouettes de langage d'une rare acrobatie, en utilisant l'hypocrisie et le mensonge qu'il manipule avec un art concept. D'ailleurs, ces deux attributs forment l'essence même de cette patrie politique. Ils sont aussi la vertu primordiale et prédominante de ses chefs. On peut en dire autrement. Tous les partis politiques qui leur enseignent du socialo-marxisme, comme le PQ gouvernement Sartouane, puis leur doctrine de cet immense égout collecteur, transport depuis 2000 ans dans la boue, la fange et les immondices, toutes les philosophies pharisaïques et mortelles, qui de Caïf à Marx, de son vrai nom invoqué, eurent leur grand prêtre pour compléter, juger et condamner le rédempteur du monde et vomir leur haine contre cette sainte patrie. Le gouvernement péquiste n'y fait pas exception. Puisque quelques-uns de ces grands prêtres de cette nouvelle religion séparatiste ont renié le décalogue pour suivre les lois des races et ont appliqué les principes étatistes et marxistes, évoluant dans le sillage des ennemis de Dieu et de notre peuple. 40 premières pages de son livre blanc sur la souveraineté association sont barbouillées par Warsi, commission de calomnie de mensonges. c'est ce qui forme les principaux chefs d'accusation contre Pat Constitutionnel. Dans les pages qui suivent, foisonnent quantité de suggestions, de propositions, solutions parfumées et irréalistes, toutes présentées sous le masque de l'hypocrisie. Si le PQ était dirigé par des gens sincères, et puisque le principal accusé, celui qui, selon eux, est le plus grand coupable de toutes les injustices dont le peuple canadien français est victime depuis 1867, injustices qui, du coup, selon eux, sont la cause des malaises sociaux, économiques et financiers qui existent en province de Québec, ainsi que des rivalités entre ces deux peuples fondateurs qui, encore selon eux, toujours au détriment des Canadiens français, il y aurait eu la décence, l'honnêteté, d'ajouter à la fin de leur livre blanc le texte intégral de l'acte de Manitou-Danikin. Ainsi, cela aurait fourni l'occasion à tous les lecteurs de ce livre d'étudier le pacte constitutionnel, dont 98% des Canadiens ignorent totalement ce qu'il contient, ce qui leur aurait permis ainsi, texte en main, de juger du bien fondé des accusations portées par le PQ contre ce pacte. Ce dernier a préféré faire appel à un tribunal du peuple pour prononcer in absentia un jugement contre un accusé qui ne peut se défendre, comme cela se produit souvent en une dictature socialiste. Mais il ne fallait pas que le peuple prenne connaissance de ce pacte confédérateur, afin que demeure dans son esprit la seule calomnie lancée par le PQ contre le pacte constitutionnel. La question référendaire ne diffère en rien du livre blanc, sinon qu'elle est plus ambiguë, plus hypocrite, plus pernicieuse. Le PQ apparaît-il fait faire des enquêtes approfondies dans tous les pays où, depuis ces dernières décades, eurent lieu des référendums, ce qui coûta très cher aux contribuables. Plusieurs études furent présentées, et ces études et expériences devaient servir à la réalisation de celui au cours duquel nous aurons, d'ici quelques semaines, à nous prononcer sur l'avenir de notre pays. Nous, du PUN, quoique n'ayons jamais eu l'opportunité de consulter les rapports de ces enquêtes, nous croyons fermement que dans tous les pays où il y a eu des référendums, qu'à aucune population de ces pays ne fut présentée une question aussi longue, plus de 120 000, aussi sournoise, aussi fallacieuse. La question du référendum péquiste en a dérouté plusieurs et en a fait divaguer un grand nombre. Et pourtant, parmi ceux-ci, il s'y trouve beaucoup de gens renseignés, avertis, devant les roueries, les escobarderies qu'elles contiennent, que feront les illettrés, les peu instruits, les vieillards. De plus, cette question enfarinée place tous ceux qui désirent garder notre Canada dans son intégralité l'obligation d'utiliser un négativisme pour s'exprimer positivement. Jamais n'avons-nous été témoins d'une telle stupéfaction. Le bulletin ressemblera à ceux utilisés en Russie et à Cuba. Dans ces pays, les électeurs ont à faire leur choix entre les seuls noms soumis par le régime au pouvoir. Sur le bulletin de référendum péquiste, il n'y a que le nom d'un seul candidat, Québec. Puisque les électeurs seront appelés à choisir entre un Québec indépendant ou un Canada uni, il aurait donc été logique et péremptoire que les options des deux candidats, en l'occurrence Québec et Canada, aient été inscrites sur le bulletin. Et afin d'éliminer tout négativisme dans cet appel au peuple, la question aurait pu être des plus claires, tout en étant très précise et limitée à sa plus fine expression, soit pour l'unité canadienne et ou pour la séparation entre eux. Ainsi, chaque électeur aurait pu, en toute liberté, sans contrainte, poser sa croix vis-à-vis de l'option de son choix. De plus, pour cette consultation populaire promise pour bientôt, dont le résultat décidera la survie du peuple canadien-français, ainsi que celle de notre pays, le Canada, ou de leur disparition respective à assez brève échéance, la loi électorale régulière de 50% plus 1 servant à déterminer le vainqueur est un non-sens. Pour un enjeu aussi lourd de conséquences, il s'avère nécessaire que seul un vote majoritaire de plus de 90% pourrait décider le retrait de la province de Québec du pacte confédérateur canadien. Le peuple canadien français, durant ces quelques siècles d'histoire, a écrit en lettres de sang une épopée des plus glorieuses, ce qui lui permettait d'espérer et était même destiné à un avenir des plus prometteurs. Par sa ténacité, son courage et ses luttes épiques, il démontra sans équivoque son amour et sa fierté pour sa langue et sa foi, ainsi que sa fidélité à ses traditions chrétiennes, dont les racines solides plongent profondément dans son passé séculaire sur ce sol canadien, et qui, traversant la Grande Mare, retrouvent leurs sources dans la France millénaire, d'où sont partis ses ancêtres pour venir transplanter sur cette terre d'Amérique la civilisation chrétienne occidentale. Ce riche héritage, ce patrimoine qu'il reçut de ses pères, il s'engagea non seulement à le conserver, mais à le faire fructifier et à l'agrandir aux dimensions de cet immense pays qui s'appelle le Canada. Malgré les difficultés incalculables et indicibles, je vis avec honneur et gloire jusqu'à son équité de ses missions. En 1760, ruiné par la conquête et abandonné par la faim sur les terrains des Anglais, la jeune colonie a peu à peu reconquis ses droits et sa liberté, pour ensuite s'imposer comme peuple avec lequel le conquérant d'alors put compter. Après deux siècles d'efforts ardus, le peuple canadien-français, dont la grande majorité s'était de plus en plus concentrée dans la province de Québec, a réussi à atteindre un standard de vie supérieur à la France après 2000 ans et à l'Italie après 3000 ans. Situation enviée par plusieurs pays, malgré les tracasseries, les difficultés, les entraves, les injustices qui, selon les ignares d'ingres péquistes, y auraient été causées par le seul pacte constitutionnel. Les hommes, jour après jour, se rendent compte que le présent se dérange d'eux. Ou si réalise-t-il qu'il s'enfonce graduellement dans le passé. Et au moment où il ferme les yeux pour toujours, et avant de paraître devant l'Éternel, si par allégorie, nous les suivions dans le chemin qui les conduit vers cette très longue caravane humaine, composée de tous ceux qui nous ont précédés sur cette terre canadienne, parmi laquelle se trouvent nos défricheurs, nos colons, nos soldats, nos héros, nos religieux, nos curés qui rallièrent autour d'eux, les habitants de la Nouvelle-France, ça parle des fêtes d'Étienne d'Abraham. Bref, tous ceux qui, par leur vertu héroïque, se militèrent d'être appelés en ce lieu d'éternelle félicité, où se trouvait déjà le saint martyr canadien, auquel viennent s'ajouter les noms de Mère Marie de l'Incarnation, de Monseigneur de Laval, de Catherine Tecatuita, et à cette longue liste viennent se joindre aussi tous les autres qui, jusqu'à leur dernier souffle, n'ont jamais cessé de combattre sous l'enseigne du patriotisme et du nationalisme, sacrifiant leur vie pour le triomphe de la trilogie Dieu, Patrie, Famille. Ici, poursuivant encore cette perspective emblématique, on se demandait comment furent reçus par ceux plutôt énumérés tous ces responsables du chaos dans lequel sont plongés notre peuple ainsi que les nations canadiennes tout entières, et comment le seront tous ceux qui sont présents dans le monde de la BAC du Canada et de Québec. Il semble que l'on pourrait entendre comme une immense clameur réprobatrice à l'entrevoir sanctifié, dirigé contre tous ceux qui ont trahi leur mandat et leur mission de clercs et de politiciens, ont pactisé avec l'ennemi de Dieu, de notre race, de notre patrie, ont saboté notre patrimoine spirituel et culturel, détruit nos traditions chrétiennes, perverti et corrompu notre système éducationnel, sapé le respect de l'autorité familiale, disloqué les liens sacrés du mariage, encourageant ainsi le concubinage, avili chez nos jeunes, ainsi que chez les moins jeunes, l'honneur de la paternité et de la maternité, la fierté de la race, les incitants à se fourvoyer dans la contraception, la vasectomie, la ligature des trompes, l'avortement, chemin qui conduit inévitablement les peuples, les nations, vers leur annihilation. À ces violentes réprobations contre ces êtres vils et coupables, vient de s'ajouter le gémissement de tous ces petits êtres succionnés, démembrés, déchiquetés, charcutés, en deux mots, maltisionnés, morganitalisés avant de naître, ainsi que les râlements de tous ces vieillards se débattant dans le coma face à la mort causée par l'éternalité, depuis une tout petite. Mais éloignons-nous de cette propriété dantesque et laissons au Créateur de tout le soin de juger ceux qui ont légalisé cette permissivité coupable à ravaillissant notre peuple et au rang des habitants de ce domaine de gloire. Il appartient donc à nous tous, les vrais Canadiens, pour qui Dieu, patrie, famille sont encore des mots sacrés et indissociables, de travailler, de lutter sans relâche pour que le but référendum actuel, contre les plus criminels des ennemis du Canada, les sécuristes, de dénoncer leur hypocrisie, leur mensonge, et même leur apostasie en bloc pour nos noces et nos traditions chrétiennes, de mettre en relief leur échec et de nous partir, de prier haut et fort notre amour pour notre peuple, notre foi en notre pays, Canada, et d'implorer la divine présidente de nous préserver du malheur d'un oui référendaire, ce qui serait pour nous tous un désastre pire que les titanisés. Merci. Je me permets de terminer cet exposé par ces quelques stances. Quoiqu'elle n'ait pas la régularité de lire et sur les grands poètes, elle s'exprime tout de même en peu de mots notre idéal et lui mettre la palme en nous. Et bref, l'amour naturel de la race de la patrie, tout comme l'amour naturel de le centre de Dieu, procède plus bien de l'être suprême, auteur de toute vie, du Père éternel qui est aux cieux. Elle fut la source puissante des vertus héroïques qui inspiraient nos ancêtres au début de la colonie, les assistants et les aidants en les luttes épiques, ce qui leur permit de bâtir le pays. Missionnaires, colons, traitants et explorateurs, des côtes du Pacifique jusqu'en Acadie, en regard au danger, comme des chevaliers sans peur, propageaient l'évangile et le français sur cette terre bénie. Conservez tes droits sur cet immense héritage, canadien français, fils de brutes de héros. Il faut à hâte de les prendre en partage à ta progéniture nombreuse en remplissant les berceaux. Cette terre de chez nous, cette terre canadienne, que ta terre arrosée de la fleur de l'ours, si tu veux t'assurer pour que ce soit toujours tienne et te pour faire comme eux, pour créer tout autant. Si tu refuses les sacrifices et préfères la vie facile, si tu ne veux pas périr à ce devoir sacré, tu verras bien que dans les campagnes et les villes, tous les postes désignés des fils occupés par les pères. Dans le patrimoine à sauver, il y a beaucoup plus que la honte. La terre, les coutumes, les traditions en font aussi partie. Mais le bien le plus grand, le plus précieux, c'est l'âme que l'on doit raviver chez notre peuple pour sauver la patrie. Merci.